Jusqu'au bout ils ont voulu me la mettre. Je suis là juste pour l'admettre en plus. La merde on en bouffe chacun de plus en plus. Reste les fidèles, ceux qui se mélangent app. Kidnappe ce qui est bon pour Watt et lâche app. Fais tourner loin j'ai le mélange. Pendant que tourne mon rap, que tourne les chattes, que tourne les diables et les anges. Les noirs, les arabes et les tanges. Si Jen la dégaine des jeunes tant pis. Fais pas de mélange avec eux, ils ont senti pis. Conseil qui j'espère ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. On se bat tous pour plus de thunes. Plus le temps passe et plus je vois 4 pour elle. Que les gens se tuent, l'intelligence nombreux ne l'ont jamais eu. Ils disent faire avancer le pays, avant c'était ce crédit entre eux. Maintenant la politique rend tout le monde nerveux. Quel est ce stratège, ce manège à la con? On s'enfonce dans la connerie à pieds joints, prenant son pied en fumant des joints. Plus en délire de chien qui ne s'arrête jamais. Plus je vois des barrettes dans mes mains, plus je me dis que ça s'arrêtera jamais. J'étais et je suis armé en vie, alarmé par leur survie. C'est trop tout leur effectif de képi en plus. Ils sont comme d'autres, ils sont sentier pis juste ce qu'il te faut pour devenir un autre. Un con comme un sentier pis. J'avance nerveux dans cette vie. Meurs les miens et je suis toujours à l'abri de rien. Le sort s'acharne, je ne souhaite qu'une chose qu'il m'épargne. Meurs les miens et je suis toujours à l'abri de rien. Le sort s'acharne, je ne souhaite qu'une chose qu'il m'épargne. Meurs les miens et je suis toujours à l'abri de rien. Le sort s'acharne, je ne souhaite qu'une chose qu'il m'épargne. Meurs les miens et je suis toujours à l'abri de rien. Oh dis-moi, quel est le mec de Death qui du béton on n'a pas des séquelles. Reste parmi les cons et les affaires criminelles, frère. Et c'est toi qui tombe, c'est toi qui sombre. Puis c'est toi qu'on met dans la tombe en bombe. Rien n'arrêtera ma manière de dire de faire. Y'a plus rien à faire. Reste parmi nous, seul truc que j'ai à dire. Encombre nos existences. La jalousie, l'hypocrisie, le racisme, la haine. J'ai ma que beaucoup soutiennent. À ce que je me souvienne, que ce soit dans les campagnes, au bord de la mer ou dans les HLM. Regarde, mec, c'est simple. L'État nous matricule. Une matrix qui nous encule. Jusqu'au dernier qui vit dans sa bulle. Problème de société, problème de grossièreté énorme, ça dépasse les bornes. Et cela en 2-0-0, passé de 9 années. Quoi de neuf et rien de bon, encore et toujours parrainé par la sottise. Le bis, la fume, la cheese. Les années nous ridiculisent, toujours un pied dans la mouise. Personne n'a géré la crise. Sonne les cloches, le diable approche la fin. Trop de proches sont devenus des bifins. Ça m'accable, y'a vraiment de quoi péter un cap. Mais qu'est-ce que tu veux, on finit par s'habituer à tout ou presque. À force de rôder partout, d'être vex. Mec reste, là où les problèmes de chacun rendent ton existence complexe. Rendent son existence complexe. Meurs les miens et je suis toujours à l'abri de rien. Le sort s'acharne, je ne souhaite qu'une chose qu'il m'épargne. Meurs les miens et je suis toujours à l'abri de rien. Le sort s'acharne, je ne souhaite qu'une chose qu'il m'épargne. Meurs les miens et je suis toujours à l'abri de rien. Le sort s'acharne, je ne souhaite qu'une chose qu'il m'épargne. Meurs les miens et je suis toujours à l'abri de rien. J'esquive la police, le procureur, sa justice. Avec fureur les jeunes se rendent justice. Pour le délire, pour le plaisir, tout ça c'est gratis. Ça fait partie de la IF. On reste déçu de tout ça quand on aime la IF. Je te parle de vivre et d'être sur le qui-vive en permanence. Car depuis longtemps les diables dansent. Désagréable ambiance qui brûle de l'intérieur. Me met en transe si t'as du cœur. C'est pas mes larmes qui vont éteindre les flammes. Charme les armes, mon âme. Tout à coup moi aussi je veux que du monde calme. Putain de macadam. Mais bordel qu'est-ce qui se trame. Je rappe dans les courants de la démence. De la violence depuis l'enfance. Et y'a pas de clémence. La situation m'enfonce. Devant cette dernière sans défense. Beaucoup préfèrent s'enfoncer et pioncer dans la défonce. Fonfon l'existence n'est plus la même. Être victime de soi-même. Nombreux ça concerne. Y'a que les cons qui se plaignent. Y'a que les cons qui daignent saigner. Croyant que comme ça ils vont régner. Le problème est toujours le même. Rien n'a changé. Et je suis toujours à l'abri de rien. Le sort s'acharne, je ne souhaite qu'une chose qu'il m'épargne. Meurs les miens et je suis toujours à l'abri de rien. Le sort s'acharne, je ne souhaite qu'une chose qu'il m'épargne. Meurs les miens et je suis toujours à l'abri de rien. Le sort s'acharne, je ne souhaite qu'une chose qu'il m'épargne. Meurs les miens et je suis toujours à l'abri de rien.